sûr de Silo Hind à Brezonuk. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonuk. Iri, c'est le moment de Hind à Brezonuk, ça va bien? Oui, ça va, oui. Kentel? Perhand Triveratrugen. 478, voilà. Oui, puisqu'on dit 6 fois 3 pour dire 18 voilà. En breton. Voilà, alors aujourd'hui on va parler d'un mot qui n'est pas très répandu, mais enfin quand même, Carec. Carec, ça veut dire un rocher en général. Alors c'est un mot qui est très intéressant, parce que il serait d'origine pré-celtique. Donc avant l'arrivée des Gaulois, hein, le mot existait déjà. Et on le trouve, par exemple, dans le Limousin, il y a les Cars, un endroit à côté de Pérols-sur-Vézère, là, et qui est un endroit où il y a des anciens termes qui ont été conservés, un terme de l'époque romaine, et Car, donc, qui veut dire rocher, qui est une vieille racine qui veut dire rocher. D'ailleurs, il paraît que l'écrivain Guy Descartes avait pris ce pseudonyme à cause de ça, de cet endroit du Limousin. Voilà. Alors, donc c'est un mot qu'on trouve dans des noms de lieux, par exemple, Carregentown, qui est un très bel endroit. Hein, c'est où? C'est sur la commune de Gouézec, si je me souviens bien. Donc là, il y a de quoi faire une petite ascension sympathique. C'est une colline abrupte. Voilà, Carregentown. Et alors, il y a plein d'histoires, évidemment, sur cette étymologie « entendre », quoi. Est-ce que c'était un feu sacré qu'on allumait en haut de la colline? Enfin, ici, ça sonne de partout. Hein. C'est un vrai festival. Voilà, ça carillonne. J'ai appris l'autre jour que le mot « carillon » viendrait de « quadrillon », qui voudrait dire un ensemble de quatre cloches. Ah ben, nous, on a qu'à deux. Hein. Ici, alors. Donc, on pourrait en ajouter deux autres. Voilà. Alors, Carregentown, oui, donc en Gouézec. Alors, comme je l'ai dit, hein, c'est un mot qui serait d'origine pré-celtique et qui est passé, en tout cas, dans toutes les langues celtiques. Hein. Par exemple, on a le mot cairn, hein, qui a la même origine, hein, qui désigne un tas de cailloux. Donc, en breton, c'est cairn. Hein, on trouve également en gallois et en irlandais. Alors, en gaulois, il existait un verbe, carnir. On apprend de plus en plus de choses sur le gaulois. C'est assez intéressant puisque bon, le gaulois est une langue celtique, hein, et il y a beaucoup de concordance avec la langue bretonne. Donc le verbe carnir qui signifiait élever, construire. Et pour construire, bien sûr, la meilleure façon, c'est d'entasser des cailloux d'une façon un petit peu organisée quand même. Hein. Donc un cairn, hein, voilà. Alors carg a donné des mots dérivés, hein, par exemple Carregen, hein, qui est un rocher aussi, hein, alors c'est un mot féminin, donc on dira Argaregen, un verbe aussi, Carregen, qui est enroché, Carregen, par exemple, sur les côtes, on fait de l'enrochement, ce qui permet à la mer d'aller creuser plus loin, en général, c'est totalement inefficace. En tout cas, ça coûte très cher. Voilà. Un adjectif, carigec, qui veut dire rocheux. Carigus aussi, qui est un adjectif plutôt du vocabulaire maritime, qui veut dire plein de récifs. Hein. Carg, c'est aussi les récifs. Hein. Un récif, hein. C'est-à-dire un rocher qui est émergé qu'à marée basse, hein, et sur lequel les bateaux se fracassent. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Nini ne zen que deux heures, stur de ze gar greisur ». Hein, celui qui n'obéit pas au gouvernail, au récif, obéira de toute façon. Donc, il faut bien mener sa barque. Pour aller dans le droit chemin, visiblement. Pour aller dans le droit chemin. Alors, il y a aussi des mots qui ont été forgés. Hein. Par exemple, « Carecaen », hein, qui veut dire « un fossile ». Alors, c'est un nom féminin. Donc, « Urgarecaen », c'est un fossile. C'est pas un mot qu'on utilise souvent dans la conversation, sauf quand on est scientifique. J'ai fait une collection de fossiles quand j'étais jeune. J'aimais bien les cailloux, quoi. Et bon, c'est vrai que c'est passionnant de voir ces restes d'animaux qui ont des milliers d'années, quoi. Il paraît qu'on en trouve moins. Mais pas parce qu'il y en a moins, Mais parce que les gens sont plus loin du sol. Les agriculteurs, ils font assez peu de choses en contact avec le sol, à part ramasser les cailloux, mais bon, voilà. Et qu'autrefois, il y avait beaucoup de gens qui ont trouvé et des fossiles et plein de choses. Des pierres taillées aussi. Oui, des pierres taillées. Et qu'aujourd'hui, on en trouve moins, mais c'est pas parce qu'il y en a moins. Oui, c'est vrai, oui. Mais ici, de toute façon, il n'y a pas énormément, à part dans la mer des Salins, là, à côté de Caulnes, là-bas, mais il n'y a pas énormément de fossiles parce que les pierres ont été très comprimées, donc. Il n'y en a pas énormément. Alors que, par exemple, en Normandie, il y a beaucoup de calcaire fossile. Hein. Voilà. Bon, ben, on va s'arrêter sur les fossiles. Allez, on en reste là et on passe maintenant à Brézonnec Temps Matande. On passe maintenant à Brézonnec Temps Matande. On continue de découvrir les rimes avec Henri. Le Naou, Henri, on rime en quoi cette semaine? Oui, ça va être la fin de cette série. Alors, quelques rimes en A, par exemple. Alors, en A, ne ce que calzedra, on pourrait dire. Justement, ce qu'il y a surtout, c'est des composés de tra, qui veut dire chose, hein. Netra, petra, memestra, un proverbe, madouze madouya evel mogad evel peptra. Les biens vont, les biens viennent, comme la fumée, comme toute chose. Ça veut dire que rien n'est stable en ce bas monde, en particulier la fortune n'est pas stable. Bon, alors, donc en haut, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Alors, puisqu'on est dans les voyelles, des rimes en U. Ah ben, en U, il n'y a pas grand-chose non plus. Ah ben, disons. Donc, par exemple, il y a Hud. Alors, Ludu, hein, Ludu, donc la cendre, hein, ou les cendres en général. On a des rimes là-dessus. Par exemple, pas au rivé, mais ce que Ludu, ben, nos potes privautent, d'homme au banard café du, rogmonte gousquet. C'est dans la chanson du café. Hein, le pauvre aussi, dans la cendre, dans un vieux pot fêlé, hein, chauffe un peu de café noir avant de s'aller se coucher. Là, du, avec ludu. Alors, il y a hudu aussi, mais ça marche pas partout, parce que on dit pas partout aujourd'hui de la même façon. Ici, on dit hudu. Hein. Donc, il y avait un proverbe qui disait « Des rois rois à hudu, même des végrés de ludu ». Hier, demain et aujourd'hui, tous les jours, on fait de la cendre. pour vous, parce qu'autrefois, on faisait de la cendre tous les jours. Tous les jours, on allumait le feu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr. Mais à l'époque, on cuisinait, hein, sur l'âtre, hein, donc, voilà. Tous les jours, on faisait de la cendre. Alors, autre voyelle, le i, hein. Alors là, il y a du choix, par contre, hein. Je pense tout de suite à une chanson Trigéménaire de Spontivy, hein. Trigéménaire de Spontivy, oi de te gruyate mesi. Hein, trois tailleurs de Pontivy étaient venus manger chez moi. Manger, non, ils étaient venus coudre. Coudre. Mais en fait, ils étaient surtout venus pour manger. Dans la chanson, c'est pour ça que je me suis trompé, là. Une autre chanson, là, Cloire avec Guéméné. Payer réel de studi, miawar un ente wari. Quand les autres allaient à l'étude, moi j'allais sur la route pour jouer. Hein. Voilà. Dans Pewantisken de Vontourlaise aussi. Ami houles diganti, tiroup tirei, traladira lola. Ami houles diganti, mani wake wandi mi. Et je lui ai demandé si elle n'avait pas envie de se marier. Hein. C'est un gars qui rencontre une jeune fille. Hein. Ça, c'était un tube qu'on chantait dans toutes les noces. Hein. Pewantisken de Vontourlaise, oui. Alors, et plus loin, alors, on dit « N'y ayons beau de Normandie, de Zernos Téliri. » Nous irons tous les deux en Normandie pour tenir une auberge. Hein. Voilà. Alors, un proverbe que j'ai déjà cité souvent dans cette émission. Pebde nos orsi, mané que de nan et dou pedri. Chacun un défaut, si c'est pas un, c'est deux ou trois, quoi. Voilà. Et dans Zoubenelès, la chanson de la soupe au lait, hein. Quand ne ta quand en aérienne, quand ne ta triatri, mon Zoubenelès, au ton arzenti. Voilà. Alors, ouais, c'est là, j'aime bien aussi, hein, une très belle mélodie. Voilà, pour I. Des rimes en arne, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a louarne et discoarne, par exemple, hein, dans la polka. Hein. Awaïler, or picole louarne, pichet grand temps et discoarne. Hein, voilà. On en trouverait d'autres, hein, mais bon, voilà. Alors, des rimes en is, iz, hein. Ne me sketil mer wermis, de roulal me yo wankis, hein. Cela est bien connu, quoi. Autrement, dans un cantique, offrom tenir sacrifice. Offrom tenir sacrifice, ne nez netra again kerpris. Evel Jésus tagous y croas, war un auteur autis que noas. Sacrifice avec prise. Voilà. Pour Is. Et puis, pour terminer, on va parler des rimes en in. Hein. Il y en a quelques-unes comme ça. Par exemple, notre Homer, plon et quintin, guélarigiste gaverguin. Monsieur le maire de Plounévé-Quintin, ça marche plus, c'est une mairesse. Guélarvigiste Gavegwin, hein, préfère le vin au cidre. Hein. C'est peut-être le cas, faudra lui demander. Bon. Bien sûr, c'est toujours, on trouve ça dans les chansons profanes et aussi dans les cantiques, hein. Gan ne veleille ni feldin, qui n'y give un oin divine. Din, qui veut dire à moi, et qui rime avec divine. Oin divine, c'est quoi? Un oin divine, l'agneau divin, quoi. Un oin, c'est l'agneau. Pascal, divin, et puis Méchoui aussi. On en reste là, Henri? Eh ben, on va en rester là. Et on passera à autre chose la prochaine fois. Voilà. Et on retrouve Petra Zonévervo tout de suite. Thank you. très honnée vers vous, Eri, troisième et dernière partie de l'émission Hent ar Brezhoneg. Ben, calze dro e vel just boer vej di ouzan. Krogom de diantan e vel kiz a kustum, gant de la bourdouar hag ar vu e war ar mez. Erion bremañ de vod ben 10-40 Miz here, miz un nad. D'or per viz here, ve gwell fanch be pla, hein, hag vel aret, hadet o kuiniz da wel vanch, hag po plouz l'un ur hanch. Galak velar an dra an tamm am eus mod, sem ton blé à la Saint-François, tu auras du blé de bon poids. Ba miz here, eman houlz de zer ar maïs. Di war ar maïs, neus ke roas la vario dis troio lavour, pe dur maïs ne ke gwal goz ba vro. Ba blavez yo hanter kan, oa er u ar maïs ba vro, ba fin ar blavez yo hanter kan, a calze du de vije cleve da gelar en de bad fek ze igual bel. La rad vije oze bado ke da ze zo on dra de neke de zovro. Med neke bekon dis, pudion benefin ar maiz, zo de te vou de rien tant bouit, vi de zaout par d'or gwan. Ur mar eman an ak mar d'un trau gwan an labour douar. Pudion zo kudeen ou kouls vel les, vel vi de mor, a vi de lond de kik, Bob Sartrou, hag eo chomor a izel ar prijou, re izel evit peon ur hargou. A neus ket diskoun bet velet bam arme de nankaden ze. Ouel evo pe sa mod evo kon. Tost gant pe ve komz de zla bour doua, ze zo ba departement de Halvados, zo bet de digor neus ket gwal belzo, ur super mahat, l'er ve kavet de trou de zevro, pe dur dek dregan, dek a... Perugen dregant deus trao vekav denan, zo deus daou departement, departement de Neur a departement de Halvados. Hag un draze zo le liamet gant ur ouedat bienvenu a la ferme. Hag az vel meus lar et ar vekav de trao deus evro, n'en ket bio tout, met greg an produer yon deus evro. Hit, legumaj, lez, tout un trao ta deus tost. Hag vrejaj, un tamm mat deus vrejaj. Hag bon, zizo un dravat, hag tout un dut zo kontant koul ze broduerien, evel ur pratikou. Dan mon tamm war dach en un endro, ba fin blad au vil pemze, ge vo ba Paris, o nem vo de vid komz deus ur skeul amzer, pe ar lima ma peswan. Hag digor et vo un nem vo ze, den de diouz an emis du. Kop bunan war nugen vo gret deus un draze, Ba blad au wilno, oa bet dija o nem vo de dis, ba Kopenhag, med or huita den oa bet, et oa dreuz en trau dustu. Hag bon ne ke zur vej me vo, gwellar en trau. President en nem votz, notre Laurent Fabius, pe Laurence Fabius, ma peswan, neus an noir a yefe en trau e dreuz. Ka zur war bon vo troar den ber en tren dao benefin, gwellet vo. Dans mon temps, moi, al dache en ur politike res. Dès qu'a triugen vlasso, oa gred, oa l'air brezel bed, oa bet zav de emvo de stadou, un vanyo de stadou, un onu un galak, hag uno e zoznek. Bon, pe dur tout un trou, ve sans el pe veng lak aden zoznek. Ur pal, oa mont war hen d'ar peur, gant tout ur poble war ar bet. Bon, calze là, bon, zo begret gant un onu, hein, mais neus ket gal a harz ve fe bet un dun non distruj. A brezel ve dermad on tu menek war ar bet vi beup sort da begou. Hag maradour yon armou, gav dermad ur marad ledan, hein, vid un armou hag ar zo calze er an de rastelat. Amon ma brovranz war darch en ur politikerez ve kom ze calze ze vota degou, o tont gant ur rand vroio. Bremañ ne chom ket nek met trize grand vro e Provence, breiz bon un traoù n'in ket chanchet, pudur e chom breiz gant per departement, pen ar bed, odo an ar vor, morbihan, hag il ap gwilen. Hag bronan ne zo chom d'ormez, evel war tout un dut. Bon, l'en meus war, n'eus ket gwal bezo, meus l'en ed war ar gazet en ouest eclair, Ouest éclairé. Ouest éclairé. On dra zouez uzoar. Goul neus mar gervur pod penlisten n'en tiguen, ma peswan, n'eus goul gant tout de rezo war a listen, zinan e vilar n'en yodu gant breiz gant pen departament. Aziz o zoez eus war, peogwir war a listen se zo kalz jacobinet, hag vo sterte zinan an dra evelze, invit breiz had un vanyet, gweldo pe sa mod vo kont. Dans mon temps, vraiment, on a d'achat d'un zévénadur. Vejen homme, j'en vais clé, et comme des Alan Stevel. Zo, spen hanter kan l'asso, war le reine, ou au canon, au cas war rog il a, pour un canon à zonde, hein, puis dur, et canon à zonde. N'est que gualio, anger potin, hein, puis dur, doula eco sur vin, on a gansi, n'est que de, n'est que gualio, anchin, pétant mon homme, d'ingio, anger d'eau, med bon, derrière monde, grand, Gani hint. Hagen eus zavet ur bladen, azo bladen neve, azo hanvet amzer. Bon, e ya guir e tremel ran amzer. Pudiron o komz de spladenu, kleven meuz e oa begred o nan nive, gant o ela barbedet, azo han aven mad ev roman. Klevet peuz... Ah ya, cerizier. Ah, cerizier, ya. Ya, meus ket kled oaz med, bon, dondareg de gleze. Bagwengam, pur diom chom war ze evenadur, grog o prest ige la bour yo war en tout le bar, pe ur prison ma peswan, ne ke vise eritud, hein, prisonnier di, med or l'air vid ur ze evenadur, hein, bon da square zon adegu, disquez adegu. A ba plouek ne ke de prison vo razavet, med tiempen vo un tigar, un trigar brelidi plouek, hag eus o l'air brav evel just, hag eo un tamm de ze glad, peut dur eo un tigar vel vekav vel l'air el, ba kalak, ba rostren pe ba koarek. Bon, matrezen e aï pointin e chui, peut dur e hiroar en trou, hag benevegel vo kont kalz de trou el roaz. Se tu l'ar an dar tien ar vegel, chilo e an er kabe, dar tien del Morgan. Keno, Eri.